Françoise David est là, hein, ce soir. Oui, oui, elle est là. Pourquoi? Elle est au dernier débat. Elle est tellement bonne, réservée. T'sais, les Québécois, ils n'aiment pas la chicane. Elle est tellement calme. Ouais. Ben, la dernière on aime fois... donc ça, du monde calme et du monde plate et du monde. C'est ça, là. Pour ça qu'elle. La dernière fois, ça avait été, elle avait été vue comme étant la gagnante, entre guillemets, du débat parce qu'elle avait bien parlé. Ça, moi, j'en revenais pas, là. Ça, j'en revenais pas. La gagnante du débat, Françoise David. C'est vrai qu'elle avait très bien parlé. Elle avait très, très bien fait ça. Mais elle avait rien dit. Elle était sur le pilote automatique. Elle était juste gentille. On aime ça, les gens gentils au Québec. C'est ça que le monde aime. Ouais, c'est ça, on n'aime pas chicaner. Donc, faut pas trop débattre au Québec. Faut pas trop que ça brasse, puis faut pas trop que ça crie, puis faut que rien change, là. Même si on la trouve bien fine puis bien gentille. Honnêtement, elle a pas d'affaire là. Ah non. Elle a pas d'affaire là! C'est marginal, C'est du temps perdu. Moi, c'est ce qui me choque. C'est rare qu'on a les vrais chefs des vrais partis qui échangent. Le temps passé sur Françoise David, c'est du temps perdu pour les électeurs. Comment tu déciderais ça, qui est ennemi ou pas? Ben, si tu regardes les pourcentages, là, avait 3 points de retard sur la CAQ, là, cette semaine, là. Dans ce cas-là, il pourrait décider de tasser la CAQ aussi, si tu ça comment, le nombre de députés, Regarde, moi, dans ma tête, c'est clair, là. Il y a 3 partis crédibles. Mm-hmm. Et il y a un parti clownesque. Il y a un parti qui aurait peut-être plus d'affaires dans une émission comme, Rira Bien ou SNL Québec, là. Mais un débat des chefs, là. Tu sais, tu dis ça des fois, là. C'est une histoire de grandes personnes, là, hein. Un référendum, c'est pour les grandes personnes. Pas plus d'enfants d'école. Un débat aussi. Un débat aussi. Ouais, t'sais, mais. Des hippies pis des pelleteux de nuages. Ça sent pas d'affaire, là. Mais regarde. Tu mets à la limite où, là. Tu sais, ils ont quand même 3. Ils ont 2 députés. Je la mets là. Ouais. Drette là. Ah ouais. Je peux pas te l'expliquer. Je peux pas te le quantifier, mais les clowns, dehors, sur le perron. Ouais, moi, là. Je suis mieux de pas m'entendre encore qu'ils disent demain que c'est elle qui a gagné, là. Ben, il va en avoir. Ça paraît bien. Si ça commence à se tirer les cheveux entre Pauline Marois et Philippe Couillard. Ça brasse, mais c'est ça qu'on veut. Mais celle qui se sera pas tirée les cheveux, qui va avoir été plate et sans couleur, sans saveur, elle, on l'aime. Parce que mais personne ne l'attaque non plus, là. T'sais, personne n'y veut gruger de ses votes, elle n'a pas. Mais en fait, il y a peut-être le PQ qui, cette fois-ci, va vouloir y gruger de ses votes, là. Peut-être qu'il pourrait y avoir de quoi, ce côté-là. Pauline va passer la soirée à se défendre. C'est une des nombreuses raisons pourquoi il devrait y avoir un débat à Québec avec les chefs des principaux partis, là. Québec solidaire, c'est un trip de Montréalais bourgeois de la gauche. Du monde qui veulent aider les pauvres, mais qui sont riches à craquer, puis qui veulent pas donner une scène à personne. Du monde qui veulent que tout le monde se promène en bicycle, mais qui ont un suburban dans le cours. C'est pas du monde qui vit ici. C'est pas du monde qui ont nos valeurs, qui ont nos affaires. Je veux un débat des chefs autour de la table du show du matin. Et non, Québec solidaire sera pas invité. Les jokes, on est capable de les faire tout seul. Okay? Pauline, elle veut pas, Denis. Elle veut pas venir. Quelle surprise! Puis, elle veut croiser Québec, puis elle... Vous savez très bien qu'elle est pas capable de débattre avec les deux autres, là. Ici, à Québec, là. Qu'elle nous prouve qu'on a tort, puis qu'elle vienne s'asseoir. Exact. La première ministre. Elle sait très bien qu'elle pourra pas sortir gagnante de ça, de cet exercice-là contre Legault et Couillard. Y a-tu des cotes à Vegas, sur le débat de ce soir, Vince? Moi, je te dirais que Couillard est favori. Ouais. Mais... À 2-1? Moins que ça. Mais rapidement, les 9 années au pouvoir des libéraux vont retomber d'en face. Ouais. Et ça, sans que plusieurs personnes se rappellent de quoi c'est. C'est une phrase qu'on va entendre, ça. Ben, voyons. Vous étiez là, monsieur Couillard. C'est ça. Vous étiez là. Là, vous l'attaquez sur le référendum possible. Puis finalement, ça va être plate, là. J'ai peur de ça. Je pense que ça va être bon. Moi, je pense que ça va être bon, le débat, ce soir. Et mon poulain, c'est Legault, là. Legault a bien performé, tout le monde en parle, dimanche. Legault a le meilleur programme. C'est pas parfait, la CAQ. Legault a la meilleure campagne, a le meilleur programme. Meilleur premier ministre, d'après moi, parmi les 3, là. Sans aucun doute. Et il y a rien à perdre. Vous l'avez vu niaiser avec sa femme, là, depuis le début de la semaine, là? Mm-hmm. Rien à perdre, ce gars-là, là. Il y a rien à perdre. Il va y aller all-in ce soir. Et à date, moi, ma prédiction, c'est que c'est lui le gagnant. Là. Je trouve que Philippe Couillard est en bonne shape depuis une dans semaine. En game shape aussi, oui. Pour moi, il y a eu ses premiers discours de chef et même de premier ministre potentiel. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui gagne à soir. J'ai l'impression, je vais aller loin, là, mais on est fait de même. Je pense que les sondages, de plus en plus, jouent sur notre perception d'une campagne électorale. Je vais même aller jusqu'à dire que Philippe Couillard a déjà gagné le débat, alors qu'il est même pas là. Le débat est pas commencé, là. Mais juste à cause des sondages, juste parce que la tendance a été inversée un petit peu, pour ben du monde, Philippe Couillard part avec 20 mètres d'avance à soir. Ok, t'es un bon cheval, Et moi, si j'ai un 2 piastres à mettre, mise au jeu, fais-tu des... non? Peut-être. Ils ont fait des escorts, peut-être. Mais je pense pas qu'ils fassent le débat. Je veux savoir, je veux gager avec quelqu'un, moi, là-dessus. Là. Moi, je prendrais Couillard parce que, comme tu dis, il y a le lead d'un sondage, puis Marois est au pouvoir. Donc, c'est elle qui va se faire attaquer. Lui, il a le beau jeu, t'sais. Puis Marois, je la considère comme pas bonne dans les débats. Pas bonne. C'est la plus expérimentée, mais ouais. pas bonne. Elle n'a pas un grand bilan à défendre non plus. Là. Ah. C'est pas... c'est assez ordinaire. Là. Un moment donné, elle va sûrement rire forcé. C'est une de ses spécialités. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va être bon. M'attends des bonnes cotes d'écoute ce soir pour ça, moi. Ouais, je pars plein d'espérance, comme à chaque fois qu'il y a un débat. On dirait que je me comporte toujours de la même façon. Je pars tout le temps craqué, puis après cinq minutes, je change de poste, puis je vais voir la game du Canadien. Ah, on va l'écouter. Si vous l'écoutez pas ce soir, évidemment, on va vous résumer ça demain. Yes. Demain matin, dans le show du matin. Avec plein de monde qui vont venir jaser de politique avec nous autres. Exact, exact. Ouais, on va checker ça.